Après avoir congédié la duègne en la chargeant de gâteaux, Cyrano peut se retrouver seul avec Roxane. Que l'estant entre tous les estants soit béni, ou, cessant d'oublier que vraiment je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée, hier, vous a fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi, de guiche, cherchait à m'imposer comme mari. Postiche, je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, des murons aigrelés, le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jupon court, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelque grimpement vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, montrez-la, hein? À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant, du côté de la porte de Nel, donnez. Si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sang. Racontez, non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encourage de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, tu ne le sais pas d'ailleurs. Ah, pas encore. Ah, mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah, un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah, laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah, et figurez-vous, tenez que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah, il a sur son fond de l'esprit du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi, qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, en cause, des bavards m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite. La duègne ouvrant la porte du fond. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers, imprimés sur le sac. La duègne disparaît. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage, non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. S'il était aussi maldisant que bien coiffé, non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins, quand la moustache est fine. Mais, si c'était un sot, eh bien, j'en mourrais, là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie, et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez, si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé, lorsqu'invincible et grand, hier, vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ces brutes, j'ai songé, s'il voulait, lui que tous ils craindront. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, N'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui. Vous serez son ami. Je le serai. Et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui. Elle sort, Cyrano reste immobile, les yeux à terre.